Les annales akashiques, la bibliothèque universelle de l'âme. Les annales akashiques représentent un concept fascinant pour les chercheurs spirituels et ceux qui s'interrogent sur le mystère de la vie, du temps et de l'âme. Parfois appelées « bibliothèques akashiques », elles sont décrites comme une source infinie d'informations contenant les expériences passées, présentes et potentielles de chaque âme à travers l'histoire de l'univers. Cet article vous guidera dans une exploration détaillée des annales akashiques, leur définition, leur origine, leurs bénéfices, les méthodes d'accès et les précautions à prendre pour travailler avec cette dimension subtile. Qu'est-ce que les annales akashiques ? Le mot akasha vient du sanskrit et signifie éther ou espace. Dans les traditions spirituelles, l'akasha est considéré comme la substance primordiale, une matrice énergétique qui enregistre toutes les pensées, émotions et actions de chaque être vivant. Imaginez une immense bibliothèque cosmique où chaque âme possède son propre livre de vie. Ces archives transcendent le temps et l'espace, offrant un aperçu holistique de la réalité. Les annales akashiques ne sont pas un lieu physique mais une dimension énergétique accessible à ceux qui élèvent leur conscience. Elles fonctionnent comme une mémoire universelle où tout est interconnecté. Certains les considèrent comme une manifestation du champ quantique, un domaine où les informations sur tout ce qui existe sont stockées et accessibles. Origine et contexte historique. Les annales akashiques ne sont pas un concept nouveau. Elles apparaissent dans diverses traditions spirituelles. Hindouisme et bouddhisme, l'akasha est décrite comme l'élément subtil ou éther, une base sur laquelle toute la création repose. Mysticisme chrétien, les mystiques comme Hildegarde de Bingen et Saint Jean de la Croix parlaient de visions et d'accès à des connaissances divines, pouvant être liées aux annales akashiques. Théosophie, Elena Blavatsky, fondatrice de la théosophie, popularise le concept au XIXe siècle en décrivant l'akasha comme une substance éthérée enregistrant chaque événement cosmique. Edgar Cayce, connu comme le « prophète dormant », il accédait aux annales akashiques pour répondre à des questions sur la santé, les relations et les vies passées. Pourquoi accéder aux annales akashiques ? Consulter les annales akashiques peut transformer votre vie de plusieurs façons. Voici quelques avantages clés. Découvrir sa mission de vie. Les annales contiennent des informations sur votre âme et son voyage à travers les incarnations. Elles peuvent révéler votre mission de vie, vos talents uniques et vos objectifs spirituels. Guérir les blessures émotionnelles. Beaucoup de nos blessures émotionnelles actuelles trouvent leur origine dans des vies passées. Les annales peuvent éclairer ces expériences et offrir des perspectives pour guérir et avancer. Comprendre ses relations. Les relations karmiques sont souvent difficiles mais porteuses de grandes leçons. En explorant les liens d'âme à âme dans les annales, vous pouvez mieux comprendre la dynamique de vos relations actuelles. Prendre des décisions éclairées. Les annales offrent des conseils pour naviguer dans les défis de la vie quotidienne. Elles ne prédisent pas l'avenir mais révèlent les potentiels énergétiques en fonction de vos choix. Comment accéder aux annales akashiques ? L'accès aux annales akashiques requiert une intention claire, un état de calme intérieur et parfois une formation spécifique. Voici les étapes principales. Préparation spirituelle. Créez un espace sacré en méditant ou en allumant une bougie. Centrez votre esprit avec des respirations profondes et libérez les distractions. Utilisation d'une prière d'accès. Une prière spécifique, comme celle popularisée par Linda O, peut ouvrir les portes des annales. Voici un exemple. Je demande humblement l'accès aux annales akashiques pour recevoir les informations et la sagesse nécessaires à mon plus grand bien et au bien de tous. Méditation profonde. Entrez dans un état méditatif et soyez attentif aux images, sensations ou pensées intuitives. Les réponses peuvent arriver sous forme de mots, visions ou simplement une connaissance intuitive. Journaling. Notez vos impressions immédiatement après la session pour conserver les messages reçus. Précautions à prendre. L'accès aux annales akashiques est un acte sacré. Voici quelques précautions à respecter. Purifiez vos intentions. N'utilisez pas les annales pour manipuler ou contrôler les autres. Respectez le libre arbitre. Les informations ne doivent pas interférer avec la volonté d'autrui. Soyez patient. Si les réponses semblent floues au début, continuez à pratiquer. La clarté vient avec le temps. Les annales akashiques et la science. Bien que les annales soient un concept spirituel, elles trouvent des échos dans la science moderne. La théorie du champ unifié en physique quantique propose que tout dans l'univers est interconnecté via un champ énergétique invisible. Certains scientifiques spéculent que ce champ pourrait être une version moderne de l'Akasha. Conclusion. Une invitation au voyage intérieur. Les annales akashiques sont un outil puissant pour ceux qui cherchent à mieux comprendre leur âme et leur place dans l'univers. Elles ne sont pas une fin en soi mais un moyen de grandir spirituellement, de guérir et de manifester son potentiel divin. Que vous soyez un explorateur spirituel débutant ou un praticien chevronné, l'accès à ces archives subtiles peut enrichir votre vie de manière profonde et durable. Alors, prêt à explorer vos annales akashiques ? Commencez votre voyage dès aujourd'hui et découvrez les mystères de votre âme. Ne manquez pas notre prochain article, où nous partagerons des techniques et pratiques concrètes pour vous connecter aux annales akashiques et découvrir les secrets qu'elles recèlent sur votre âme et votre mission de vie.